Chapitre 22e. Ce fut dans la rue seulement qu'il releva la tête en pensant qu'on pouvait le regarder. Lui, abattu, jamais. Pourtant, le coup était rude. Bien fait pour écraser les plus robustes. Déshérité. Privé de cette fortune qui était déjà sienne et dont il avait déjà réglé l'emploi. Il fallait renoncer à son hôtel de la rue Galilée. Renoncer aussi au coupé qu'il avait choisi chez Binder. Renoncer à tout. Ruiné. Il était ruiné. Sans doute, ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Mais au moins, il avait joui des deux fortunes qui avaient fondu dans ses mains, tandis que celle-là lui échappait au moment même où il allait la saisir. À cette pensée, il brandit sa canne par un geste si furieux qu'un gamin qui passait près de lui se jeta de côté, effrayé, croyant la recevoir sur le dos. Quelle femme! Comment une Puylaurens pouvait-elle penser si mesquinement, si bourgeoisement? C'était la dévotion qui lui avait rétréci les idées. Voilà où la religion conduit quand ses ministres ne se recrutent plus que dans les classes inférieures. Il est vrai qu'elle ne les avait jamais eues ni hautes ni larges, et déjà elle était la misérable femme de maintenant. Quand, avant leur dernière rupture, elle l'avait obligée à les toucher tous les matins sans sou chez un marchand d'objets de piété de la rue Saint-Sulpice, qui ne les lui remettait que contre signature sur un registre numéroté. Lui, un mucidant. Il les avait acceptés, ces 100 sous, parce qu'il en avait besoin pour le pain quotidien. Mais avec quelle humiliation et quelle haine! Chaque paraphe dont il accompagnait sa signature était un coup de poignard, qu'il lançait à cette Puylaurens dégénérée. Chaque point qu'il appliquait sur le i de son nom, une menace. Si elle s'était fait représenter le registre, elle aurait pu lire entre les lignes. Bientôt, sa fureur tourna. Comment avait-elle su tout ce qui concernait Angélique? Il fallait que celle-ci eût parlé. Eh bien, ce serait elle qui paierait. Il allait lui dire son fait. Il allait la chasser, elle et son enfant. Une fille de son espèce se plaindre quand il l'avait tirée de sa crasse pour l'élever jusqu'à lui. Une fille qui lui devait tout. Voilà ce que c'est que d'être trop bon. La faiblesse devient de la duperie. C'était une leçon. Et il n'aimait pas les leçons. Ah, mais non, non. Et de sa canne, il frappait le trottoir à coups rythmés. Et il parcourut ainsi à pas presser une partie du chemin qui va de la rue de Grenelle à Montmartre, et devant cet homme de haute taille, à la large carrure, qui marchait violemment d'un air furibond, on s'écartait, lui laissant la place. Mais en arrivant au boulevard, il ralentit son allure et frappa moins rudement l'asphalte. La violence même de sa course avait usé sa colère. Certainement, Angélique avait été maladroite de se plaindre. Si elle s'était plainte, cela était incontestable. Certainement, mademoiselle de Puylaurens ne méritait pas d'autre réponse que le mépris. Mais enfin, ce n'était pas Angélique. Ce n'était pas mademoiselle de Puylaurens qu'il devait penser. C'était à lui. Il était trop bon, comme toujours, de s'inquiéter des autres. La colère est une chose, la raison en est une autre. La colère lui disait de faire payer à Angélique sa maladresse et de se venger de mademoiselle de Puylaurens par le mépris. Mais d'un autre côté, la raison commençait à lui murmurer certaines paroles auxquelles il devait prêter l'oreille. Cela pouvait être vrai, ce qu'avait dit mademoiselle de Puylaurens, et même elle n'avait sans doute répété que l'opinion des médecins. Encore 3 ans à vivre. Mais si cela était, il ne jouirait donc pas de l'usufruit de la fortune de ses fils? Elle savait calculer, la vieille fille, la vieille coquine, et maniait assez bien les chiffres pour jongler avec. Il ralentit encore sa marche, et au lieu de rentrer directement, il prit la rue Notre-Dame de Lorette. Il fallait réfléchir et ne pas se laisser entraîner par un premier mouvement qui pouvait être dangereux. Quelques mois d'usufruit. Il ne s'était pas fait à cette idée qui ne s'était jamais présentée à son esprit. Et cependant, cela était possible, il fallait le reconnaître. Non seulement cette fortune lui échappait, ce qu'il n'avait jamais admis, mais encore, il pouvait en perdre la jouissance légale, puisque la loi a été assez bête pour permettre à des gamins de 18 ans d'entrer en possession de leurs revenus, au détriment de leur père et de leur mère, injustement dépouillés. Laisserait-il un pareil vol se réaliser? Un seul moyen de l'empêcher, la légitimation de cette petite, qui lui donnait 18 années d'usufruit. Mais pour légitimer cet enfant, il fallait épouser sa mère. Il était arrivé à la rue Pigalle, et il ne la prit pas. il ne pouvait pas rentrer encore. Il fallait qu'il s'habitue à cette idée qui, au premier abord, le suffoquait. Faire d'Angélique sa femme. Après tout, ce serait une bonne action. Elle l'aimait si tendrement, si passionnément, la pauvre fille. Mais cette idée n'eut pas plutôt effleuré son esprit qu'il voulut la chasser. C'était son faible, les bonnes actions. À combien de fautes l'avait-elle entraînée? Combien de sottises l'avait-elle fait commettre? C'était par bonté qu'il s'était ruiné, par bonté qu'il s'était déjà marié. Mais il eut beau vouloir l'écarter, elle revint toujours, elle s'imposa, elle le domina. Elle serait si heureuse, quelle joie, quel triomphe pour elle. Que ne ferait-elle pas pour le payer du bonheur qu'il lui donnerait? Que ne serait-elle pas pour lui? Et puis il y avait cela de terrible dans sa situation qu'il était placé dans l'alternative de donner la fortune de Mademoiselle de Puylaurens à cet enfant ou de condamner cette pauvre petite à la misère. Et cet enfant, c'était sa fille, son sang, une Mucidan. Héritier de Mademoiselle de Puylaurens, il aurait pu assurer une vie heureuse à Angélique ainsi qu'à sa fille, et il le fait largement. Mais maintenant, il ne le pouvait que par son mariage, puisqu'il n'héritait plus. Cela changeait la question et lui imposait des devoirs. Évidemment, cette mère et cette fille avaient des droits sur lui, de ces droits sacrés qu'un homme d'honneur ne méconnaît jamais. En ne se mariant pas, il faisait perdre 1 million à cette petite. Avec le revenu de 1 million, dont il jouirait lui-même pendant 15 ou 16 ans, que ne pourrait-il pas faire pour elle? Pendant une demi-heure, il arpenta le boulevard, allant de la place Moncey à la place Pigalle. Puis à la fin, il se décida à rentrer, sa résolution était prise. La table était mise et depuis près d'une heure, Angélique l'attendait pour dîner. L'enfant, la petite Geneviève, dormait dans son berceau, les rideaux fermés sur elle. « Savez-vous d'où je viens ? » dit-il en se débarrassant de son chapeau et de son pardessus. Elle le regarda sans répondre. Il continua. « Je viens de chez ma tante, Mademoiselle de Puylaurens. Et savez-vous ce que j'ai fait ? » ?»« Je me suis fâché avec elle. Mon Dieu ! À jamais fâché, sans retour possible, si bien fâché qu'elle me déshérite. » Elle le regarda avec des yeux pleins de douleur et de crainte. « Est-ce à cause de moi ? » demanda-t-elle. « À cause de Geneviève ?»« Justement. C'est-à-dire que ce n'est pas absolument à cause de vous, mais enfin, vous avez dans cette rupture une part, une très large part. »« Il ne faut pas que cela soit. Je ne le veux pas. Cela ne peut pas être. J'irai la trouver. Je lui expliquerai. S'il le faut, nous nous séparons, au moins en apparence. Vous coûtez votre fortune, moi, jamais ?»« C'est inutile. Votre démarche ne produirait rien. » Je vous le défends d'ailleurs. Elle m'a dit que je ne serais pas son héritier et je ne le serai jamais. » Angélique tomba écrasée sur une chaise. Il continua. Ne vous désolez pas, il y a pour vous du bon dans ce malheur. Elle ne comprit pas. Pour moi ? Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous, de votre fortune. Vous savez que c'est cette fortune précisément qui jusqu'à ce jour m'a empêché de céder à votre désir et au mien. Si je ne vous ai pas encore donné mon nom, si je n'ai pas encore légitimé votre enfant par mariage, c'est que j'en ai été empêché par cet héritage, que je ne pouvais pas, que je ne devais pas sacrifier. » Il fit une pause et le regarda. Elle était toujours sur sa chaise, le visage tourné vers lui, l'écoutant, mais ne le comprenant pas, certainement. Pourquoi lui parlait-il de mariage à propos de cet héritage? Elle ne voyait aucun rapport là-dedans. « Aujourd'hui, continua-t-il, cet empêchement n'existe plus. Je n'ai plus à craindre de sacrifier cet héritage puisque je suis déshéritée. » Elle s'était soulevée à demi, tremblante, commençant à comprendre, mais n'osant pas croire ce qu'elle comprenait. Un rêve, la folie, elle avait déjà été si cruellement frappée dans sa foi. « Pourquoi ne pas vous fier à mes paroles ? » dit-il. « Ne savez-vous pas que je suis un galant homme ? Je n'étais pas libre, je le suis. Rien maintenant ne peut m'empêcher de faire mon devoir. Dans un mois, vous serez comtesse de Mucidan. » D'un bond, elle fut au berceau et, saisissant l'enfant, elle l'enleva et le mit dans les bras de Monsieur de Mucidan. Puis, se jetant à genoux devant lui et l'embrassant de ses deux bras, « Pour notre fille, soyez bénie. » Il la releva. « C'est bien, dit-il. Vous avez toute votre vie pour me prouver votre reconnaissance.